On peut haïr Dieu, le défier, le nier, le maudire, mais ce Dieu plein de miséricorde nous attend avec patience. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Demandez à quelqu'un de vous décrire Dieu, et on vous répondra habituellement que Dieu est amour. Bien qu'il soit certainement exact de parler de la grande compassion du Seigneur à notre égard, son amour s'accompagne toujours de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice et de sa souveraineté. Et plus nous apprenons à connaître Dieu, plus nous réalisons qu'il nous reste encore beaucoup de choses à comprendre sur lui. Nous espérons que cette émission vous aidera à vous rapprocher de ce but. Dans l'émission diffusée aujourd'hui à En Contact, Charles Stanley continue son enseignement sur les expressions de la bonté de Dieu. Il vous sera donc possible d'en apprendre plus sur la compassion, la grâce et l'amour de Dieu. Voici Charles Stanley. Comment imaginez-vous Dieu? Cette question est-elle importante pour vous? Connaissez-vous exactement la mesure de votre foi, ou tout au moins certains aspects de la nature de Dieu? Êtes-vous en mesure de témoigner de votre foi à une autre personne si le besoin s'en fait sentir? Votre soif de connaissance de Dieu est-elle assez impérieuse pour désirer l'approfondir afin de mieux comprendre votre relation avec ce Dieu que vous servez? Votre conception de Dieu est importante, car elle pourra soit fortifier votre foi, soit vous causer beaucoup d'incertitudes. Le but de cette émission est de vous encourager à réfléchir sur le privilège que nous avons de pouvoir connaître la bonté de Dieu. Quand nous pensons aux attributs de Dieu, nous pensons à sa grandeur, à sa justice, à son omniscience et à son omniprésence. Or, quand nous pensons à Dieu, à qui il est, et à la manière dont il agit, nous ne devons pas oublier qu'il est aussi un Dieu rempli de bonté. Lorsque nous parlons de la bonté de Dieu, voilà à quoi nous pensons spontanément. Il nous donnera une nouvelle auto, une nouvelle maison, une nouvelle robe, un nouveau complet, une meilleure éducation. Bref, il nous offrira un peu plus de ceci et de cela s'il est vraiment bon. En plus, il nous aidera à perdre du poids, il nous aidera à en gagner, ou il nous aidera à améliorer notre apparence. En un mot, si Dieu est bon, il exprimera sa bonté de cette manière. Cependant, ce n'est pas que ces choses dont je viens de parler ne sont pas bonnes. Toute bonne chose que nous recevons vient de Dieu, mais j'aimerais maintenant parler d'un autre ordre d'expression de la bonté de Dieu. Ces expressions de bonté sont totalement hors de notre portée ou de notre pouvoir, car la bonté de Dieu ne s'exprime pas seulement en termes de choses physiques ou matérielles. Dieu seul peut exprimer l'essentiel de sa bonté. J'aimerais vous parler ici de trois aspects, de trois expressions de la bonté de Dieu envers nous. Nous serions incapables d'en bénéficier si Dieu n'avait décidé de nous en faire cadeau. Premièrement, Dieu nous exprime sa bonté par sa miséricorde. Par le mot « miséricorde », je veux parler de ce souci de Dieu pour nous, de sa tendresse et de l'amour qu'il ressent à notre égard. Nous pouvons maintenant ouvrir notre Bible dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 24, verset 14. Le roi David s'entretient ici avec un homme nommé Gad, en ces termes. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. » « Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » J'aimerais que nous réfléchissions sur des choses très importantes concernant la miséricorde de Dieu, car habituellement nous pensons à elle en termes de salut. Dieu a eu pitié de nous, et au lieu de nous faire subir le juste châtiment de notre péché, il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre mourir pour nous. Or, selon la Bible, la miséricorde de Dieu se traduit habituellement par son souci pour nous, sa tendresse et son amour pour les gens qui souffrent, qui sont dans le besoin ou la détresse. Il est parfois difficile et humiliant d'admettre qu'il n'existe rien en nous pour mériter la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Rien. La miséricorde est une pure grâce de Dieu. et la raison de cette grâce ne se trouve pas en nous, mais dans la nature même de Dieu. Dieu veut exprimer sa bonté envers tous les hommes. S'il n'en était pas ainsi, plus personne ne vivrait sur cette terre. Si Dieu n'était pas miséricordieux, la plupart d'entre nous seraient morts depuis longtemps. L'initiative de notre salut revient entièrement à Dieu. Il s'est abaissé et est descendu jusqu'à nous. Il a exprimé pour nous une bonté et une miséricorde qu'aucune action de notre part ne justifiait. Il a vu notre détresse, notre désespoir, notre incapacité à nous sauver par nos propres moyens. Il a décidé de pardonner nos péchés et de commencer dans notre vie un magnifique travail de sanctification. Dieu pourrait-il faire preuve de miséricorde envers vous? Il le fait déjà. En écoutant cette émission, vous pouvez comprendre que Dieu vous dit « Je suis rempli de miséricorde à ton égard. Regarde, comme j'ai été patient envers toi. Je t'ai attendu pendant tellement longtemps. Je t'ai appelé pendant tout ce temps. Je t'ai poursuivi de mes attentions. Je t'ai invité à me suivre. J'ai mis de la pression sur toi afin que tu me connaisses. » Tout cela exprime la merveilleuse miséricorde de Dieu à votre égard. On peut haïr Dieu, le défier, le nier ou le maudire, mais ce Dieu plein de miséricorde attend avec patience. Voilà une autre expression de sa miséricorde. Avec bonté, avec amour, avec bienveillance et avec une grande compassion, Dieu attend patiemment. La miséricorde est une expression de sa bonté. Deuxièmement, Dieu exprime sa bonté par sa grâce. La grâce est une action de Dieu par laquelle il assume la pleine responsabilité de notre culpabilité. Dieu assume cette responsabilité ainsi que le châtiment de notre culpabilité résultant de notre péché. Car s'il n'assume pas cette pleine responsabilité, qui devra alors en assumer les conséquences? Et si nous sommes jugés responsables de notre péché, de notre culpabilité, avec la juste sentence qui leur est associée, où passerons-nous l'éternité? Nous serions alors éternellement séparés de Dieu. Or, Dieu a assumé la pleine responsabilité de notre péché. Je n'ai pas dit qu'il nous avait contraints à pécher. Nous sommes responsables de notre péché. Notre péché nous a rendus coupables devant Dieu. Et puisque nous étions coupables, le juste châtiment de Dieu pesait sur nous. Cependant, la grâce de Dieu est l'expression d'un Dieu qui abaisse son regard sur nous et qui voit une humanité sans ressources et sans espoir. Considérant la situation désespérée dans laquelle nous nous trouvons et voyant que nous ne pouvions rien faire pour améliorer notre sort, Dieu a librement décidé de nous justifier. Il nous a finalement déclarés non coupables. Il a décidé de nous pardonner. Il a décidé de nous racheter, de nous sanctifier, afin de nous sauver de notre culpabilité et du châtiment de notre péché. Le Dieu Tout-Puissant est un Dieu de justice. Et puisqu'il est un Dieu de justice, il est un Dieu de droiture. Et puisqu'il est un Dieu de droiture, il tient parole. Quand il a prévenu Adam de ne pas manger du fruit défendu sous peine de mort, il était sérieux. Et à cause des conséquences de ce péché originel, nous naissons tous morts spirituellement. Rien dans la Bible ne nous laisse penser que Dieu ferme les yeux sur le péché, qu'il ne tient pas compte du péché ou qu'il passe par-dessus le péché. L'homme pécheur doit rendre compte de chacun de ses péchés et en régler la dette. Et Dieu ne décidera pas tout bonnement de pardonner le pécheur en faisant semblant de n'avoir rien vu. Il a dit au début que le châtiment du péché serait la mort, et seule la mort du pécheur peut satisfaire la justice et la droiture parfaite de Dieu. Une lecture du livre Ézéchiel, chapitre 18, versets 4 et 20, nous convaincra que Dieu ne plaisante pas avec le péché. « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Or, Dieu n'est pas seulement droit et juste, il est également un Dieu d'amour et de grâce. On ne peut pas expliquer la grâce, on ne peut pas expliquer le pardon de Dieu. Aucune bonté de Dieu n'est exprimée dans toute sa grâce en dehors de la crucifixion de Jésus-Christ. En acceptant la croix, Jésus a accepté de payer à notre place la dette de notre péché. La justice et la droiture de Dieu demandaient réparation de l'affront perpétré par une humanité qu'il méprise au point de remettre même son existence en question. Toutefois, l'amour et la grâce de Dieu envers cette humanité rebelle se sont exprimés de façon unique sur la croix. C'est sur la croix que Dieu a pleinement assumé la responsabilité de notre péché et qu'il a payé la dette de notre culpabilité. Il y a 20 siècles, Dieu a pris la décision de venir sur cette terre dans la personne de Jésus-Christ et de mourir sur la croix en versant son sang. Il a payé ainsi de sa vie le châtiment encouru par notre péché, le vôtre, le mien, celui de toute l'humanité. C'est par la grâce de Dieu exprimée sur la croix que nous sommes sauvés et pardonnés. Sans la croix, la grâce de Dieu nous serait inaccessible. Personne ne peut obtenir le pardon et la rédemption de Dieu sans la croix de Jésus-Christ. Personne ne peut arriver à la justification, à la sanctification et à la glorification en dehors de Jésus-Christ. Car c'est ainsi que s'expriment la justice, la droiture, la bonté et l'amour de la loi de Dieu. C'est le cœur de l'Évangile, la bonne nouvelle apportée par Jésus-Christ au monde entier. Il est tout à fait faux de dire « Si Dieu est bon, il me pardonnera mes péchés, tout simplement. » Dieu a assumé la pleine responsabilité de notre péché, mais il l'a fait d'une façon précise, en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la croix mourir pour nos péchés, comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cependant, chacun de nous a la responsabilité de recevoir la grâce de Dieu. Et comment la recevons-nous? En acceptant le fait que la mort de Jésus-Christ sur la croix a entièrement payé la dette de notre péché, faute de quoi il n'y a aucun pardon pour le péché. Et même si le Dieu de bonté désire vous pardonner, vous ne pourrez recevoir son pardon et son salut avant d'avoir personnellement reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur. Jésus a clairement exprimé cette vérité dans Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, nous lisons, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La grâce de Dieu et la bonté de Dieu se sont pleinement exprimées à la croix. Aucun homme ne peut parvenir par ses bonnes actions à obtenir le pardon et le salut de Dieu. Ce n'est que par la miséricorde de Dieu que nous pouvons être sauvés. Et seul son amour, sa compassion et sa pitié pour nous pouvaient le motiver à envoyer Jésus dans le monde mourir sur la croix à notre place. Revoyons une autre fois ce verset crucial de l'Évangile selon Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans sa miséricorde, Dieu attend après nous. Dans sa grâce, il pourvoit nos besoins. Or, la bonté de Dieu atteint son apogée dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est là qu'elle s'exprime dans ce qu'elle a de plus essentiel, de plus précieux et de plus élevé. La bonté de Dieu n'est nulle part mieux exprimée que dans sa grâce et sa miséricorde. Et non seulement sommes-nous sauvés par la grâce de Dieu, mais nous sommes également appelés à vivre par elle. Dieu est bon envers ses enfants, mais cela ne veut pas dire que toute épreuve, toute adversité et toute douleur nous seront épargnées. L'apôtre Paul a dû comprendre que la grâce de Dieu devait lui suffire. Il avait déjà été sauvé quand il a demandé d'être délivré du fardeau d'une épreuve. Il vivait dans la souffrance et la détresse et il a demandé à Dieu d'en être libéré. Or, Dieu lui a répondu dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit. » Tout ce qui nous arrive est le résultat de la bonté de Dieu. Si nous sommes en bonne santé, si nous sommes vêtus, logés, si nous jouissons d'un emploi et de toutes les autres choses que nous possédons, c'est parce que Dieu nous les a accordées sans que nous les méritions. Il nous manifeste ainsi sa bonté. Pouvez-vous imaginer ce que Dieu ressent quand il voit tous ces gens qui profitent de sa bonté sans même reconnaître son existence? Pourtant, l'existence de Dieu est affirmée. On ne peut plus clairement dans sa parole. Il est la source de toute bonne chose. Comment définissez-vous l'amour de Dieu? Y avez-vous déjà songé? Nous sommes aimés par quelqu'un d'infiniment grand. Comment pourrions-nous décrire cet amour? Il est incommensurable, insondable et indescriptible. Dieu exprime sa bonté à chaque moment de notre vie par sa miséricorde, sa grâce, son amour, sa compassion, sa tendresse et sa bienveillance. Dieu est infiniment, éternellement, totalement et parfaitement Dieu. Il est effectivement un Dieu d'amour, et en plus, il est miséricordieux, gracieux, juste et saint. Or, trop souvent, nous évaluons l'amour et la bonté de Dieu selon nos propres critères. Nous élaborons nos propres plans, nous fixons nos propres buts pour notre vie, et nous évaluons l'amour et la bonté de Dieu dans la mesure où il veut bien y collaborer. En d'autres mots, si je vous demandais d'écrire sur une feuille de papier comment vous aimeriez que Dieu vous manifeste sa bonté, que trouverait-on sur votre liste? Si Dieu m'aimait, il me donnerait ceci, il me donnerait cela, il me laisserait faire ceci. Mais la question se pose, Dieu nous a-t-il créés pour le servir, en collaborant au plan pour notre vie qu'il a élaboré dans son infinie sagesse? Ou n'existe-t-il que pour assurer notre confort personnel? Si Dieu ne nous accorde pas tout ce que nous lui demandons, ce n'est pas nécessairement parce qu'il ne nous aime pas, bien au contraire. Cependant, si Dieu nous aime, il cherche à nous donner ce que la vie nous réserve de meilleur. Il veille continuellement notre bien, comme l'indique Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'amour de Dieu est différent du nôtre. L'amour des hommes peut être influencé. Nous avons souvent besoin d'une raison pour aimer quelque chose ou quelqu'un. L'amour de Dieu n'est pas comme cela, car s'il existe une chose que même Dieu aurait de la difficulté à trouver, c'est bien une raison d'aimer une race de pécheurs qui se rebelle continuellement contre son autorité. Or, l'amour de Dieu est une pure grâce, non méritée, et cet amour est absolument éternel, parfait et immuable. Tout homme et toute femme qui fait confiance à Jésus-Christ peut se reposer dans un amour que rien ne peut compromettre ou changer. Nous pouvons vraiment nous sentir en sécurité dans cet amour. Nous avons tous fait des choses dans notre vie dont nous ne sommes pas trop fiers. Et parfois, nous pourrions même penser, « Dieu ne pourra jamais m'aimer après ce que j'ai fait. » Or, c'est une erreur. Personne ne pourra jamais pécher au point d'être au-delà du pardon et de l'amour de Dieu. Cela veut-il dire que vous pouvez pécher autant que vous le voulez? Absolument pas, car la bonté de Dieu ne s'exprime pas seulement dans les bonnes choses qu'il nous accorde, mais il s'exprime également à travers la discipline. Troisièmement, Dieu exprime sa bonté par la discipline. Beaucoup de gens n'aiment pas cet aspect de l'amour de Dieu. Pourtant, si Dieu ne nous corrigeait pas quand nous nous engageons sur une mauvaise voie, pourrait-il vraiment prétendre nous aimer? La discipline de Dieu est toujours appliquée avec amour, en vue de notre bien. La discipline de Dieu n'est jamais gratuite ou exagérée. Elle est une autre expression de sa bonté. Il arrive que le chemin préparé par Dieu pour nous passe par l'épreuve, la peine et la souffrance. Ces expressions de la bonté de Dieu porteront éventuellement leurs fruits. Il m'arrive de me rappeler des situations et des circonstances où j'ai beaucoup souffert. Et je n'aimais pas du tout la situation au moment où je la vivais. Vous êtes probablement passé par là, vous aussi. Or, Dieu est omniscient. Il voit le passé, le présent et l'avenir. Il voit le fruit, il voit le butin que notre souffrance rapportera. Il voit les résultats à long terme de cette souffrance dans notre vie. Et par cette peine, cette douleur du moment, Dieu exprime également sa bonté envers nous. Il nous équipe afin que le monde le glorifie, en voyant notre fidélité envers lui dans les temps difficiles. Il nous permet de ressentir la satisfaction quand nous relevons le défi et que nous sortons d'une situation difficile avec une foi affermie et éprouvée. Cette foi qui ne serait pas la même si Dieu n'avait pas permis l'adversité dans votre vie. Ce que nous vivons souvent comme une vallée de larmes, Dieu le voit comme une vallée aimante de préparation. Dieu nous aime-t-il en tout temps? Oui, son amour ne connaît aucune limite. Pourrait-il cesser de nous aimer? Non, jamais. Vous pourriez penser, assurément, si je faisais ceci ou cela, il ne pourrait pas continuer de m'aimer. C'est faux. Dieu ne cessera jamais de vous aimer. Je ne dis pas que les expressions de son amour, de sa tendresse, de sa compassion et de sa grâce resteront avec vous, quoi que vous fassiez, mais vous ne pouvez empêcher Dieu de vous aimer. Pourquoi? Parce que son amour ne dépend pas de vous ou de votre performance, bonne ou mauvaise. Dieu vous aime parce qu'il est dans sa nature d'aimer. Je vous ai transmis la vérité, la pure et simple vérité de la parole de Dieu concernant sa bonté, ou du moins une partie de sa bonté. Je voudrais maintenant terminer en vous demandant de considérer ce qui suit. Nous sommes les récipiendaires de la miséricorde, de la grâce et de l'amour de Dieu. Il nous a préparé un chemin de bénédiction balisé dans le sang de Jésus-Christ. Ne convenez-vous pas qu'il vous serait mal avisé de tracer votre propre chemin en négligeant la plénitude et l'abondance de la miséricorde, de la grâce et de l'amour du Dieu Tout-Puissant? Ne serait-il pas insensé de connaître la vérité sur le Dieu Tout-Puissant et de s'en détourner? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, il n'est pas question pour moi de marcher dans la désobéissance envers un Dieu qui a fait preuve envers moi de tant d'amour, de grâce et de miséricorde. Tout ce qu'il désire en retour, c'est notre adoration, notre obéissance, notre louange et notre détermination à le servir. Ne convenez-vous pas qu'il est digne de tout ce que nous pouvons lui donner pour le reste de notre vie? Formulons des actions de grâce en son honneur, en son nom, car Dieu est bon. Charles Stanley nous a parlé d'une différence fondamentale entre l'amour de Dieu et le nôtre. Dieu ne nous aime pas parce qu'il voit en nous quelque chose à aimer. Il nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Tout homme et toute femme qui vit dans ce monde éprouve le besoin d'être aimé. Dieu a placé ce besoin d'être aimé en nous afin que nous le recherchions de tout notre cœur, car lui seul peut combler parfaitement ce besoin d'amour. Or, la présence du péché dans la vie de chaque être humain l'incite à rechercher l'amour au mauvais endroit. Et dans une société comme la nôtre, où tout doit se vendre et s'acheter, on a vite fait de récupérer cette intense quête d'amour. Qu'il s'agisse de prostitution, de pornographie ou d'une autre forme d'érotisme de consommation, qu'il s'agisse de cosmétiques, de régimes amaigrissants ou de tout autre moyen d'améliorer son apparence, le raisonnement est le même. On s'accapare d'un besoin véritable créé par Dieu et on le dévie en proposant des solutions qui ne seront jamais satisfaisantes parce que trop humaines. Si vous n'avez jamais vraiment pensé à satisfaire votre besoin d'amour en acceptant personnellement Jésus-Christ comme votre Sauveur, je vous invite à considérer le point de vue de Dieu sur la question. Premièrement, Dieu vous a créé. Et s'il vous a créé, ce n'est pas pour vous laisser agir à votre guise pour le reste de votre vie, mais pour que vous puissiez profiter des bénédictions qu'il vous réserve si vous marchez sur le chemin qu'il a préparé d'avance pour vous. Vous êtes donc placé devant un choix. Ou bien, vous prenez la décision de rechercher la volonté de Dieu pour lui obéir, ou bien vous continuez d'agir comme s'il n'existait pas. La plupart des gens autour de vous ont choisi cette deuxième option. Regardez autour de vous. Nous vivons dans une société qui a largement rejeté Dieu et qui doit assumer les conséquences de son choix. Que pensez-vous du monde qui vous entoure? Que voyez-vous lorsque vous lisez les journaux ou que vous écoutez les nouvelles? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi toutes ces guerres, ces génocides, ces injustices? Vous êtes-vous déjà demandé si cette abondance de conflits n'était pas que le reflet extérieur de l'animosité de l'homme envers son Dieu? Revenons à la perspective de Dieu. Que pensez-vous que Dieu ressente lorsqu'il voit l'homme qui, non content de faire preuve d'inhumanité envers ses semblables, abuse honteusement des ressources de la planète dont il s'est vu confier la gestion par son Créateur? Dieu nous a donné l'intelligence de fabriquer des instruments qui pourraient nous conduire à un monde meilleur. Nous disposons des ressources pour éliminer complètement la faim dans le monde et pourtant, l'inégalité entre riches et pauvres n'a jamais été aussi grande. Êtes-vous prête à admettre qu'il y a effectivement quelque chose qui ne tourne pas rond dans le cœur de l'homme et que, si Dieu nous a déclarés coupables devant lui, il ne s'agit pas de la sentence arbitraire d'un tyran, mais d'un constat lucide. Le premier pas vers la guérison est de reconnaître que nous sommes malades. Et cette guérison ne passe pas par de grands mouvements de ferveur populaire, mais par une décision personnelle prise dans l'intimité du cœur de chaque homme et de chaque femme. La décision de rechercher la paix avec Dieu en acceptant les termes très avantageux de l'armistice qu'il nous a proposé il y a 2000 ans et qu'il a signé avec le sang de son Fils Jésus-Christ. Il s'agit d'une paix qui n'est pas simplement une absence de guerre, mais une plénitude de Dieu dans votre cœur. Êtes-vous prêt à accepter son offre? Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley? Mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue « En contact » qui reprend ses enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.